Le hussard sur le toit de Jean Giono. Sixième épisode. 1832. Le choléra dévaste la Provence. Angelo, colonel de hussards et carbonaro, a été obligé de quitter l'Italie après avoir tué en duel un espion autrichien, le baron Schwartz. À Manosque, il est pris à partie par les habitants que des bonapartistes manipulent pour les dresser contre le gouvernement. Il parvient à grand-peine à se sauver et se réfugie sur les toits. Une nausée brûlante réveilla Angelo. Il y avait une extraordinaire odeur de fumier d'oiseau, et parfois comme l'explosion d'une puanteur sucrée. Que font ces gens en bas? Ils sont comme des poules sur du grain en train de piller quelque chose. C'est un homme qu'on tue. En lui écrasant la tête à coups de talon. Je suis prisonnier de ces toitures. Si je descends dans la rue, voilà le sort qui m'attend. Et manger. Tu es bien dodu, toi. Qu'est-ce que tu bouffes? Des oiseaux, des pigeons, des rats? Est-ce qu'ils font comme en Piémont, ici? Il y a toujours une resserre sous les toits. Voilà ce qu'il faut que je trouve. Et boire, surtout ci-dessus avec cette chaleur. Une autre galerie là-bas. Et du linge étendu sur des fils de fer. Ceux qui ont le souci de laver et de faire sécher sont vivants. C'est là qu'il faut aller. Mais attention, ne va pas te casser la margoulette. Allez, tiens. Enlève plutôt tes bottes. Allez, autour de ton cou. Oh, ça brûle comme une plaque de four. Je ne suis pas habitué aux gouttières, mon vieux lapin. Allons, un peu d'aplomb. Il en faut. J'ai faim, j'ai soif. Ah, de l'eau fraîche. Qu'est-ce que c'est que ces boules jaunes dans des cages? Une échelle. Une cage d'escalier. Serais-je tombé de nouveau chez les morts? sais pas descendre. Attends. Je viens te chercher. Il y a peut-être ici de ces gens qui vous écrasent la tête à coups de talon. Il s'agit d'être agile. Hé ! Reste là ! Minou ! Minou ! Qu'est-ce qu'il y a ? Un chat. Un chat ? Comment est-il ? Gris. Fais-le partir ! Ne touche pas, descends ! Allons, viens, descends ! Bravo. Les peureux sont les adversaires les plus terribles que je connaisse. Même s'ils n'osent pas me toucher, ils n'oseront pas. Ils sortiront en courant, ils ameuteront tout le quartier. Je n'ai pas bien envie de faire la course sur les toits. On ne peut pas rester tout le temps comme ça. Ils ont peur de leur ombre. Moi, j'ai soif. Allons-y. Et si ça fait des étincelles, eh bien, ça fera des étincelles. Chut. Chut maintenant, hein. Tais-toi. Un débarras. Des égoïstes. Ils ont tout ratissé autour d'eux et tout entassé dans la pièce où ils se tiennent. Plus bas. Alors, il n'y a qu'à descendre. Ça sent le paysan à son aise. Ici, il ne risque pas de mourir dans l'embrasure des portes. Ils mourront en tas comme des chiens sur une soupe empoisonnée. S'ils meurent, ça c'est la cuisine. Ces gens-là ne doivent se sentir en sécurité que dans une cuisine. Et le nuage ? Quel nuage ? Celui qui avait la forme d'un cheval. Je ne sais pas. Il est venu sur la rochette un vieil ayant les tombereaux et ont chargé tout l'après-midi. Je l'ai vu. Quoi ? La comète. Quand ? Cette nuit. Où ? Là ! Oh, mais fais attention, voyons. Descendons. S'il y a une resserre, ils l'ont sûrement placée le plus bas possible. Peut-être même dans la terre. Des bouteilles. Une étiquette que je ne peux pas lire. Bon, je verrai là-haut. Du vin. Des pots. Sans doute de confiture. J'en prends deux. Et deux saucissons. Et des fromages de chèvre. Pas de pain. Je remonte. Sur les toits, la chaleur était comme un mur. Le soleil jouait son jeu terrible de plein après-midi. Il faut partir d'ici le plus vite possible. Ils doivent bien venir quelquefois donner aux poules et chercher les œufs. Il s'agit de trouver là-dessus un endroit à habiter. Le plus simple, c'est la rotonde de l'église. Là, pas de risque. Et les arcs-boutants me feront de l'ombre. Allons. l'endroit où les arcs-boutants s'appuyaient contre le mur, il y avait des nids d'hirondelles. Près d'Angelo, qui était assis sur un endroit plat, un vitrail blanc fleurait l'encens par ses joints de plomb. Angelo voyait le côté de la ville qu'il n'avait pu voir de son ancienne galerie. Sur la place, des hommes vêtus d'une longue chemise blanche ramassaient des morts. Ils s'arrêtèrent devant une maison. Ils entrèrent trois fois dans cette maison-là. Angelo guettait si attentivement le moindre bruit qu'il entendit un piétinement minuscule. C'était une petite fille. Elle débouchait d'une des rues. Elle marchait lentement, paisiblement, en balançant les bras comme une grande personne désœuvrée. Elle passa en se dandinant dans sa petite jupe à collerette. La chaleur pétillait sur les tuiles. Le soleil n'avait plus de corps, il était frotté comme une craie aveuglante sur tout le ciel. Les collines étaient tellement blanches qu'il n'y avait plus d'horizon. Sainte Vierge! Sainte Vierge! Sainte Vierge! Ça serait plus sage de ne pas boire. Mais j'ai idée que la sagesse ne sert plus à grand-chose. Un peu de vague à l'âme est encore ce qu'il y a de meilleur dans les moments critiques, quoi qu'on dise. La raison et la logique, c'est bon pour les temps ordinaires. Mais le vague à l'âme, tout est paisible, surtout l'impossible. Puisque dans les moments vraiment critiques, c'est précisément de l'impossible qu'on a besoin. Oh, naturellement, ce n'est pas mon duel avec le baron Schwartz que j'appelle un moment critique. Vraiment critique. Là, bien sûr, raison, logique et tout le tremblement et sans froid. Mais moi, je suis d'une froideur de glace au naturel. Pas besoin de me rafraîchir. Il y a de quoi rire, on s'en doute. Je n'appelle pas non plus moment critique la mort du petit français. J'appelle ces moments-là des moments difficiles, de la soupe trop chaude. Inutile de faire appel aux vagues à l'âme si on se brûle simplement le gosier. Mais si tu entends frapper du poing contre une porte d'église fermée et qu'on crie « Sainte Vierge !» trois fois, qu'est-ce que tu feras avec de la raison et de la logique quand le premier Sainte Vierge te remplit déjà le ventre au-delà du possible et que le second soulève le ventre comme la main soulève un sac par le fond pour le renverser et que le troisième vient par là-dessus avec des amertumes insupportables et des raisons de tout envoyer à la balançoire. Je suis catalogué sur les toitures comme un Nicola Piccinino sur les toits de Florence ou comme Simonette Malatesti et Neri de Gino Capone. Il y a eu beaucoup d'aventures au-dessus des villes méridionales, sans parler des Roméo et des Francesca da Rimini et des lucarnes par où ils se glissaient avec leurs armures et ils retombaient sur leurs souliers de fer dans les combles comme des batteries de cuisine qui se décrochent. Où est la chambre de la bien-aimée? Ce n'est pas l'Alouette. Pendant qu'ils râpent les couloirs avec leurs grosses armures de bataille, et pendant qu'ils préparent des révolutions dans des villes ou dans des fermes, moi, je chaparde tout simplement du vin et du fromage de chèvre. Et encore bien heureux. Car je ne suis pas dans un moment difficile. Oh, pas du tout. Il n'y a rien de difficile. Je suis dans un moment critique.